Bonjour Romina, bonjour. Nous sommes devant l'office pour les migrants. Oui. Hier soir, il y a eu un texte sur Indie Media Bruxelles annonçant la mort d'un jeune Congolais. Est-ce que tu peux nous en dire plus et ensuite nous expliquer un petit peu ce qui se passe pour les migrants aujourd'hui en Belgique, hein. Oui, il y a dans un centre fermé samedi, il y avait un homme d'origine congolaise qui s'est suicidé. Il habitait ici depuis 15 ans, quelque chose comme ça. Et il était enfermé dans le centre fermé de Botem, tout près de Liège. Et il aurait été déporté, il n'a pas voulu rentrer chez lui. Il a pris la décision de se suicider. Et c'est pour ça que la coordination des sans-papiers de Belgique a convoqué une manifestation ici en face de l'office d'étranger pour interpeller l'autorité et montrer que ce n'est pas juste la loi migratoire qu'il y en a. S'il y a quelqu'un qui habite ici depuis déjà longtemps, il y a sa vie ici, ce n'est pas juste de le déporter comme ça. Et plus encore, il n'y a pas... C'est criminaliser l'enfermer dans un centre fermé, que c'est vraiment la prison pour les sans-papiers. C'est régulier qu'il y ait des suicides dans les centres de rétention à Bruxelles et en Belgique. De plus en plus, je pense que cette année on a eu 4 morts. Il y a 3 qui sont suicidés, il y a un autre qui a eu un accident, je crois. Désolée, je ne me souviens pas très bien, mais je sais qu'il y a 4 morts déjà dans les centres fermés, différents centres fermés. Il y a aussi la grève de la faim. Et il y a des sans-papiers qui solidarisent avec l'action de la grève de la faim pour soutenir quand même et pour demander, pour se faire montrer tout ça qui arrive dans la prison. Et comment ça se passe aujourd'hui en Belgique pour les migrants? C'est quoi la politique belge en ce qui concerne la question des sans-papiers et des demandeurs d'asile, hein? Aujourd'hui, on est 150 000 sans-papiers dans Belgique. Il n'y a pas eu le choix d'être régularisé. Malgré que nous sommes là depuis 15 ans, 10 ans, 20 ans, il n'y a pas le choix. On n'a pas le droit de rester. Il y a beaucoup qui ont l'ordre de quitter le territoire. Il y a beaucoup qui sont la famille ici, qui travaillent quand même, tu vois, qui soutiennent l'économie sur le terrain. L'État belge est sourd, il ne veut pas écouter, il ne veut pas comprendre que nous, les sans-papiers, on n'a pas les droits. On n'a ni de santé, ni de l'éducation, tu vois, ni de rester ici. Tu vois, nous, on revendique les droits de choisir où habiter. Il y a des gens qui viennent de la guerre, il y a des gens qui s'enfuient de la épidémie, il y a des gens qui sont venus de la misère, tu vois, qui s'enfuient de la misère de ces pays d'origine. Et bon, il n'y a pas le choix, la loi elle est très stricte, il ne veut pas que quelqu'un, malgré, tu vois, il y a des gens qui ont des travail et que ses patrons sont d'accord pour leur donner un contrat de travail, malgré tout ça, on n'a pas le droit de rester. Et ce que tu dis, en fait, c'est que en fait, c'est finalement l'État belge qui vous criminalise, si. Alors que j'imagine qu'au quotidien, dans la presse et dans les discours politiques, c'est de dire ces grandes criminels, c'est les gens qui viennent d'ailleurs. C'est un peu, tu vois, une double face, parce que d'un côté, ils nous criminalisent, mais de l'autre côté, ils veulent soin de nous dans la société. Il y a des femmes qui travaillent en tant que des gardes d'enfants, tu vois, ou bien ils font le nettoyage dans la maison des Belges ou Européens, tu vois. Il y a des femmes qui font les deux travaux en même temps, très mal payées, et qui aident à des autres femmes de s'en sortir, tu vois, le fait de garder les enfants d'une femme pour que sa femme pourrait travailler, tu vois, à l'aise. Et de l'autre côté, comme je viens de dire, il y a une criminalisation contre nous. Alors c'est un peu difficile, tu vois, tout le monde sait qu'existent les sans-papiers et qu'il y a un rôle dans cette société, mais nous, on n'a pas les droits, on a une vie limitée. C'est-à-dire que personne, les instances officielles ne veulent pas l'assumer, en fait, que pour eux ça leur est utile. Oui, nous, c'est ça. Il y a des sans-papiers qui ont été régularisés en 2009, la dernière régularisation qu'il y a eu. mais qu'ils sont, et puis quelques mois, ils sont refusés pour l'office d'étranger. Ils sont restés sans titre de séjour, mais quand même, ils continuent à travailler et payent des impôts. Mais il n'y a pas le droit de rester ici en Belgique. C'est un peu bizarre, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. On a un rôle important dans cette société. On soutient une économie souterraine. Et malgré tout ça, on n'a pas de papiers, on a une vie limitée, notre enfant va à l'école. Et puis avoir la majorité d'âge, il ne peut pas continuer à étudier. Tu vois, malgré avoir fait toute la scolarisation ici en Belgique, ils sont obligés à retourner à ces pays d'origine qu'ils vraiment ne connaissent pas. Alors c'est très injuste. Ils ne connaissent pas, ne parlent pas forcément la langue aussi, ouais, je suppose. Pas très bien, tu vois, mais sa culture, c'est ici. Tu vois, sa vie, c'est ici, ses amis sont ici. Mais par contre, ils sont obligés de quitter le territoire et aller dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, il y a plusieurs choses qui sont très injustes. Et nous, on est venu ici à parler avec le directeur de l'Office étranger plusieurs fois. Il a plusieurs fois reconnu toute notre problématique, mais il n'a rien fait. Alors, c'est comme ça. On est un peu découragés. Il y a quelqu'un qui est mort quelques jours. Il y a toujours des gens qui on ne sait pas, et puis partir d'ici, et puis déporter, on ne sait pas quel est votre futur, tu vois, on ne sait pas où ils sont. C'est terrible, et on est un peu fatigué, mais malgré ça, on va continuer, et on va continuer notre manifestation à Lutz. Et c'est un appel national par rapport à ce qui s'est passé hier soir? Il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire un appel national, tu vois, c'était samedi, on a fait vite l'appel. Mais bon, les gens qui sont là sont toujours notre soutien. Il y a des sans-papiers, il y a des associations qui viennent ici pour nous soutenir. Et ça veut dire que l'opinion publique quand même est avec nous, tu vois. C'est l'office étranger, les gouvernements qui sont sourds et qui ne font pas attention à tout ça qui arrive. Comment regardent je mets des guillemets, hein. Comment regardent les Belges? Les gens qui viennent un peu d'ailleurs, du Chili, d'Afrique Les Belges confondent un peu parce qu'ils pensent que le fait d'être sans papier et les gens qui viennent d'arriver comme demandeurs d'asile, les réfugiés sont la même chose. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup, dans la coordination des sans-papiers, les différents collectifs, il y a beaucoup de sans-papiers qui sont été avant demandeurs d'asile, qui l'ont donné un titre de séjour et puis qu'ils sont refusés, alors ils sont devenus sans-papiers. Et c'est la même chose qui va arriver avec les autres qui viennent d'arriver. Nous pensons les demandeurs d'asile d'aujourd'hui, c'est les sans-papiers de demain, comment ils déjà nous arrivent. Alors, de ce côté, les gens ont un peu la confusion. Mais de notre côté, il y a des Belges qui connaissent très bien la problématique et qui nous soutiennent. Il y a des autres Belges qui ne connaissent pas du tout. Et c'est là où on doit arriver à toucher l'opinion publique, à raconter un peu l'histoire de qui les sans-papiers, pourquoi nous sommes ici et les différentes façons qu'on a eues pour arriver ici. Mais il y a trois choses différentes. C'est ça notre travail. Il faut que nous, on commence à clarifier les choses et à raconter notre histoire. Et comment on peut vous contacter? La coordination des sans-papiers, il y a une page sur Facebook, Coordination sans-papiers de Belgique. Il y a aussi TV sans-papiers, que c'est un groupe de médias qui diffuse notre voix. Et il y a aussi des numéros de porte-parole qui sont choisis pour la coordination, des numéros de téléphone. Et voilà, il y a aussi un mail, coordination sans-papiers RISOP. Pas net. Et bon, ça. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ok, merci à toi. À bientôt. À bientôt.